Oh, ça prend. Ça donne chaud. Eh bien, bonjour. C'est le quatrième samedi du mois. C'est 10h05 ce matin. On est sur FMR 89.1. Eh bien, donc, c'est que c'est France Impro, quoi. On vous souhaite une bonne matinée. On est là ce matin un peu à la bourre, en fait. On est quatre autour de la table. Bonjour. Il y a Luc. Salut. Bonjour. Il y a Lucie avec moi aussi. C'est Jean-Michel au micro. Bonjour, Lucie. Et puis, on a un invité exceptionnel qui s'appelle Sharif Senaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Toulouse, tu es de passage. Merci. Et moi, j'ai eu la chance de te voir en concert hier soir, donc on va y revenir un peu plus tard tout à l'heure, dans un moment. Voilà, donc au programme ce matin, eh bien, on va surtout parler avec Sharif, profiter de sa présence à Toulouse pour quelques jours. Tu vas nous en dire plus. Il y avait concert hier soir, il y a encore concert ce soir. Il y aura peut-être d'autres choses dans la région ou en France, je ne sais pas, on verra. Et puis, on va passer quelques morceaux de ton répertoire, enfin de tes projets. Et puis, on va faire un peu de musique live aussi. Tu as proposé de jouer tout à l'heure. On va peut-être faire un trio avec Luc et Lucie en fin d'émission. Et voilà, c'est parti. Donc, pour l'heure qui vient. Alors, peut-être tu veux nous parler d'où tu viens, de ton expérience de musique musicale. J'ai vu que tu viens de Beyrouth. C'est ce qu'on a vu sur les affiches du concert d'hier soir. Et tu es assez actif sur la scène libanaise. Je crois, enfin, moi, ça m'intéresserait d'en connaître un petit peu plus. Bien sûr, oui. Oui, je suis béroutin, effectivement, natif de Beyrouth, où j'ai grandi. Après, mon expérience avec l'improvisation libre a véritablement commencé à Paris, où j'ai résidé pendant un peu plus d'une décennie. Mais très rapidement, l'idée de développer quelque chose dans ma ville natale a été très très forte et une véritable passion chez moi d'une certaine manière. Donc avec certains partenaires, au départ Mazen Kerbage et une musicienne qui a été mon épouse à l'époque, qui s'appelle Christine Abdennour, on a voulu débuter une scène là-bas alors qu'il n'y avait absolument pas ce type de pratique, voire même toute une scène musicale assez pauvre à la fin des années 90. Mmh. Mazen, dont tu en parlais, c'est avec lui que tu as joué en duo hier soir, donc qui est trompettiste et peintre. Mmh. On y reviendra. Et vous jouez aussi ce soir dans un autre format où il fait plutôt de la peinture. Oui, il fait que de la peinture en direct sur table en verre. Donc voilà, on a commencé cette scène très vite. D'autres musiciens comme Raed Yassine nous ont rejoints. Et depuis, il y a maintenant une véritable scène d'improvisation libre au Liban qui est assez dynamique. Wow. J'ai vu qu'il y avait un festival que vous aviez monté là-bas aussi. Exactement, on a monté un festival dont la première édition a été tenue en 2001. Donc on a fait notre 15e édition cette année et c'est une belle aventure. C'est un festival qui s'appelle Irtijal, qui veut dire en fait juste improvisation en arabe. C'est le mot arabe pour improvisation, Irtijal. Irtijal. Exactement. À garder en tête. Et quel a été l'accueil du public au début, je suppose que c'est pas... Oui, ça a été un peu difficile au début. En général, je ne veux pas trop accuser le public, je n'accuse pas le public, c'est-à-dire que déjà, tu proposes un propos musical un peu difficile et pointu au public, mais en même temps, en 2001, notre propre niveau musical en tant que jeune improvisateur libanais n'était pas... enfin, on était à nos tout débuts, donc d'une certaine manière, nous-mêmes, on n'avait pas encore les armes pour convaincre... le public, donc effectivement, on a été insulté, rejeté, accusé de vouloir démolir la musique, et d'une certaine manière, peut-être à juste titre, parce qu'on n'était pas encore capable de faire des improvisations conséquentes pendant 45 minutes, disons, on pouvait faire quelques minutes. Après, ça pouvait être pénible. Donc, ouais, à juste titre, je peux pas être trop d'accord parce que c'est aussi faire. Faut bien faire ses armes, quoi. Et, oui. Et jouer dans sa chambre, c'est bien, mais c'est pas, ça suffit pas forcément, quoi. Donc, ça fait partie de la vie, quoi. Il faut apprendre, il faut vivre, et puis ouais. C'est aussi au public de voir qu'il y a des choses qui se construisent, qui sont pas tout de suite là. Exactement. Ça fait partie de l'éducation aussi du public. De plus en plus aujourd'hui. Je revois des gens, tu vois, qui nous ont vus à l'époque en 2001, 2002, 2003, même voire 2004, et qui se sont dit bon, je vais plus jamais écouter ça. Et bon, là, en 2013, 2014, de nouveau, ils se disent bon, je vais réessayer. Et là, ils ont un choc. Genre, ils viennent même spontanément te dire c'est incroyable le parcours que vous avez fait depuis l'époque. Moi, à l'époque, je pouvais pas supporter cette musique, mais là, je vois qu'il y a quand même quelque chose de fort que vous avez développé, bravo, et ça fait plaisir de voir que tu as un petit peu reconquéri un public qui t'était complètement hostile à l'époque. Donc, il faut persévérer, il faut voilà. Bien sûr. Comme quoi. Mais moi je sais qu'en tant que, enfin, j'improvise de manière très humble, hein, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu des improvisateurs, je me suis dit ben. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et ça m'a, je me suis quand même posé, ça m'a aiguisé, je ne parlais pas. Je pense aussi qu'on a besoin, de, enfin, en tant que spectateur, c'est pas facile aussi d'écouter. Donc, du coup, quand ça sort un peu de nulle part, ça doit être encore plus compliqué. C'est un peu des problèmes. On joue aussi en chapelle souvent dans ce milieu-là, quoi. Et dès qu'on sort, c'est vrai qu'on se retrouve plus ou moins avec en face de gens qui n'ont peut-être pas les codes ou peut-être. Puisqu'on n'est pas vraiment dans une société vraiment de l'écoute, quoi. On est plus dans l'image, ça, c'est, clair, ça, c'est un clair. Peu compliqué, quoi. Oui, de toutes les manières, enfin, je veux dire, on n'est pas en train de jouer pour les, disons, les masses qui écoutent, qui regardent The Voice à la télé, tout ça, de toute manière, on n'est pas là, quoi. Mais pour un public un peu plus aiguisé ou un peu plus curieux, qui sont capables de sortir de chez eux, d'éteindre la télé, de lâcher leur téléphone et de venir écouter de la musique. Oui, même pour ces gens-là, oui, effectivement, ils n'ont pas nécessairement toujours les codes, ils peuvent trouver ça totalement étranger, mais dans mon expérience, même des gens qui sont, a priori, tu te dis, ils ne vont vraiment pas apprécier ce qu'on fait. En fait, parfois, tu es surpris. Ouais, quelque chose les accroche. Ouais, je suis d'accord. Ils sont, ils vivent une expérience différente, ils sont surpris. Il n'y a pas de règle en fait. Tout est possible, mais je pense que plus le musicien voilà un propos fort, plus, plus lui-même prend plaisir à jouer ou à improviser, plus il y a des chances qu'il communique quelque chose. Moi, je le relie un petit peu au théâtre en fait. Quand on voit un acteur qui est très engagé, alors je parle du théâtre parce que là ça se voit. Et le musicien, c'est un peu pareil. Quand il y a un engagement particulier et quelque chose qui du coup, qui en sort, en face, si la personne est ouverte et se laisse porter par ça, il se passe quelque chose, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu des retours comme ça. C'est très beau, quoi. C'est magnifique. Quoi. On écoute un peu de musique. Oui. Ça vous dit? Alors, on va écouter un disque où tu es en trio, puis on en parle après. Super. Bravo. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Ouais, vous me laissez un petit peu de temps, hein. Ouais. Bien dans le drone là. Ouais, moi j'ai une question. En fait, tu joues ce soir avec des peintres. On parlait justement d'être dans la société de l'image. Comment tu te places par rapport à quelqu'un qui n'a pas le même média que toi? Je trouve ça compliqué, moi, mais je veux savoir. Ouais, c'est une question très intéressante. En fait, ce projet qu'on fait ce soir, c'est la rencontre de deux projets assez similaires. Wormholes, donc moi et Mazen, lui dessinant et moi jouant. Et Hoy. Donc Jean-François Pauvreau, c'est Vincent Fortan, pareil, guitare et dessin. C'est une rencontre entre ces deux duos qui a déjà eu lieu, donc c'est la deuxième rencontre en fait. Mais nous, à la base, on est avec Wormholes, on a ce duo, donc dessin et musique. Et depuis qu'on se connaît, donc depuis maintenant 18-19 ans, et peut-être depuis 15 ans qu'on collabore, on voulait faire un projet live, mais qui donc mélange le travail visuel de Mazen avec la musique improvisée, la musique expérimentale. Et justement, on avait cette difficulté. Donc comment rejoindre ces deux médiums qui sont super différents en nature et en dynamique, etc. Et bon, une manière tout à fait banal, c'est que lui fait un dessin et moi je joue. Donc, mais ensuite, et tu filmes le dessin, donc tu le montres ou alors tu donnes le dessin. Mais c'était pas. Voilà, c'est quand même deux choses très différentes et il manquait un lien entre les deux. Donc ce lien a été établi quand Mazen a développé ce système qui est du dessin à l'encre sur verre, sur une table de verre. Et du coup, ce qui est intéressant, en fait, et qui du coup nous a permis de faire ce projet, c'est que le dessin n'est plus permanent. C'est le même dessin, mais qui évolue tout au long de la performance, en fait. Et une fois que la performance finit, il reste absolument plus rien du dessin, à part ce que tu as filmé, comme il resterait ce que tu as enregistré de la musique. Et il a les mêmes capacités de réaction que les miennes, c'est-à-dire qu'il peut en un seul geste effacer le dessin, comme moi je peux en un geste arrêter le son, et il peut faire toutes les variations possibles en dynamique, en intensité. Donc à partir du moment où lui est arrivé à ce système, c'était donc possible pour nous de faire ce projet en sentant, oui, qu'enfin ces deux médiums communiquent ensemble. Après, tu peux te donner la liberté d'aller dans beaucoup de directions différentes. Il lui arrive de faire carrément des espèces de micro-bandes dessinées à l'intérieur de cette petite surface sur laquelle il dessine, mais il peut l'arrêter à n'importe quel moment, ou la recontinuer, ou la reprendre. C'est vraiment à partir du moment où il a cette capacité de réaction et cette capacité d'improvisation avec le dessin qui est totale. Donc pour nous, le projet a commencé, quoi, à ce moment-là. D'accord. Et donc toi, tu peux visualiser en temps réel ce qu'il dessine et réagir à ça, ou c'est plutôt dans le sens que lui écoute et réagit avec son dessin? C'est plus simple dans ce sens aussi, oui, c'est une très bonne question. C'est plus simple pour lui. Tu as un besoin visuel, oui, quand tu joues, j'imagine, avec ton instrument. Donc, exactement, c'est plus simple dans le sens. Ouais. D'accord. Mais après, bon, je peux regarder aussi. Oui. Mais pas autant, ouais, que lui. Lui a une écoute. Son image, ouais, bien sûr. Ouais. Lui a une écoute permanente de ce que je fais. Moi, j'ai une vision intermittente, quoi, de ce que lui fait. Ce qui est, oui, un petit déséquilibre dans ce duo, mais qui est. C'est pareil quand tu travailles avec des danseurs, par exemple. Bien sûr. J'imagine que aussi, à force de tant d'années, vous avez aussi un feeling particulier qui peut passer aussi au-delà de vraiment. J'espère. Vous avez développé quelque chose d'assez intime. Du coup, il y a son geste là qui est peut-être plus mis en. Qu'il a dû travailler plus qu'une sémantique ou d'avoir une idée. Je trouve ça, moi aussi, compliqué de travailler aussi par rapport à la sémantique, par rapport à un texte aussi, quand on improvise. Et, enfin, l'idée que je m'en fais, c'est qu'il y a réellement une espèce de geste. Absolument, oui, il y a des gestes, il y a du son en fait aussi. Ouais. Parfois même, on le sonorise. et t'entends le son des ustensiles sur la table. Moi, je les entends en tout cas, donc parfois je me rends compte dans quelle intensité il est. Et en fait, sur ce plan-là, l'autre duo qui en joue Hoy, en fait, Fortan et Povero, sont plus avancés que nous. C'est-à-dire que Vincent Fortan a une physicalité dans son travail encore plus forte que celle de Mazen. C'est un aspect qu'il a travaillé plus. Donc oui, il y a beaucoup de choses à développer dans cette direction-là, c'est sûr. Et ce soir, les deux duos vont intervenir l'un après l'autre ou vous intervenez ensemble? Ensemble, d'accord. C'est un nouveau projet qui s'appelle du coup Wormhoys, donc Wormholes et Hoy. Donc c'est Wormhoys qu'on a déjà fait, donc on a déjà lancé et là... Et ça avait bien marché, on s'était dit depuis qu'il fallait qu'on fasse plus, qu'on fasse une petite tournée. Qui a lieu maintenant. En fait. Ce soir, c'est le premier des trois performances. Donc ce soir à 20h au Théâtre Garonne, à Toulouse, et vous allez rejouer à Paris, c'est ça, la semaine prochaine? Marseille et Paris. C'est les trois performances. Après, c'est pas facile de tourner, parce que c'est pas facile à mettre en place, quand même. Ouais. Deux projections, deux écrans, toute une technique qui va avec, quoi. Tu veux nous dire un mot de ce qu'on a écouté tout à l'heure? Donc c'est un projet en duo avec Mazen et une troisième personne, c'est ça? Oui, avec Raed Yassine, qui est un contrebassiste, qui fait aussi du synthétiseur, de l'électro et des platines, mais qui l'a en pure contrebasse. Ah. C'est un trio qui a maintenant 13 ans d'existence. Et... La pièce s'appelle Textural Swing, donc le swing de la texture, d'une certaine manière, qui est une expression qui nous a été dite par un journaliste suédois, un écrivain suédois, qui un jour après un concert nous a dit: c'est incroyable, vous jouez de la texture avec une énergie de swing, d'où on a repris l'idée, quoi. Parce que bon, c'est de la texture, mais tu sens qu'il y a... Une énergie dedans et quelque chose qui presque groove, avec un groove sous-jacent, quoi, qui n'est pas évident. Mais... Donc c'est le début d'une très longue pièce qu'on a écouté les 10 premières minutes. Après, la pièce va dans différentes directions, mais il y a toujours cette volonté d'avoir quand même de l'énergie, même si c'est dans des matières qui sont plutôt stables et qui ont beaucoup de mouvements dans une matière stable, les choses vont et viennent. Et c'est intégralement joué avec trois instruments acoustiques, donc guitare acoustique, contrebasse et trompette, sans effet, sans rien d'ajouter. C'est joué, c'est enregistré tel que c'est joué, en fait. C'est vraiment impressionnant, quoi. Moi, j'aurais pensé qu'il y avait de l'électronique, une espèce de base, avec ces fréquences graves, là. Il y a eu une tentative, en fait, qui est une tentation qu'on a, c'est-à-dire qu'avec... tout le développement de la musique électronique et les possibilités que ça apporte, où tu te dis que peut-être que les instruments acoustiques sont devenus désuets ou passés de mode. Et en fait, un des challenges pour un acousticien aujourd'hui, c'est de dire non, on peut encore développer, on peut encore trouver des choses, on peut encore se mettre au niveau à un certain niveau, quoi, de créativité, d'ouvrir des nouvelles possibilités avec des instruments. C'est un challenge assez... Ça me fait beaucoup plaisir ce que tu dis là, en tant que guitariste aussi, ouais, acoustique. C'est pas évident, mais il y a beaucoup de choses à creuser. Est-ce que vous avez un passé, enfin une culture musicale plutôt classique, plutôt jazz, plutôt rock, plutôt... quelles influences quelle éducation surtout à la base, est-ce que vous avez plutôt joué? Moi j'ai plutôt fait du jazz, mais j'ai rapidement viré vers le free, puis vers l'improvisation, à partir du jazz, oui. Ça c'est mon parcours. Mazen et Raed sont des... Raed aussi a une formation jazz, ouais. D'accord. Et Mazen est un autodidacte pur. Ah bon, d'accord. Au niveau de l'enseignement, justement, au Liban, de la musique, il y a des écoles de musique, j'imagine, des choses... Écoles de musique, des conservatoires, des... petite école alternative, là il y a une petite école alternative qui vient d'ouvrir et qui enseigne vraiment dans tous les styles. Même ils peuvent faire une formation sur mesure. Mais c'est un petite initiative, mais super intéressante, qui vient de commencer. D'accord. Donc, si en France, il commence à y avoir péniblement des ateliers d'impro de plus en plus, et intégrés au conservatoire qui portent bien leur nom, mais c'est un peu difficile, je trouve. Enfin, c'est un peu bon. Mais ça commence aussi, donc je ne sais pas où ça en est. Oh, c'est très très loin derrière, au Liban. D'accord. Malheureusement. C'est une scène musicale assez... Pas très développée, c'est-à-dire que ce qui est intéressant et qui est même ironique, c'est que aujourd'hui le festival d'impro qu'on organise, donc Irtijal, est en réalité le plus vieux festival de musique de la ville. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de festival de jazz, il n'y a pas de festival de rock qui dure. Il y a parfois une petite initiative, mais les scènes dans toutes les musiques mainstream sont aussi assez faible en termes de structure, beaucoup de talents, beaucoup de groupes, beaucoup de musiciens, mais pas vraiment encore des structures qui se développent ou des institutions sur Beyrouth, du moins. Donc ça change, ça vient, ça se développe. Donc, mais ça, je parle dans vraiment tous les secteurs musicaux, pas en ce qui concerne. Donc c'est une faiblesse de la scène musicale dans l'absolu, pas juste sur les musiques expérimentales, au contraire. Certains musiciens mainstream sont un peu jaloux. Que pourquoi ces gens qui ne savent pas jouer, pourquoi ils ont plus de concerts que nous, etc. Donc ça crée une espèce de... Ah oui, mais ça. Dans l'absolu, il y a quand même un respect que je ne vois pas sur d'autres scènes de ce qu'on fait, enfin de toutes ces pratiques, de la part de gens qui... A priori, normalement, devrait être anti, mais en fait, il y a quand même une espèce de respect qui fait plaisir. Oui, qui s'est créé aussi peut-être avec le temps, avec la maturité de ce que vous faites, etc. Ouais. Exact. Tu auras envie de jouer quelque chose? Oui, je vais sur ce micro. Bah écoute, je sais pas, ouais. Je peux, comme je te proposais, plutôt que de jouer une pièce de mon disque en solo, plutôt la jouer en live que la jouer sur ces deux CD. Voilà. D'accord. Bravo. Merci beaucoup. C'était Sharif Sennaoui, en direct dans les studios d'Éphémère ce matin. Merci. Merci à toi. Donc à la guitare. Plus objet divers. Oui, c'est un mode, c'est un extrait de mon solo de guitare acoustique en fait. Un extrait, pas vraiment en fait, parce que j'ai complètement chamboulé les matières, j'ai même fait des choses que je fais pas normalement dans le solo, mais toute l'idée de ce solo, c'est de jouer sur une préparation unique, avec un mode de jeu unique, qui est de la percussion, donc sur corde et sur préparation, donc et sur tout le corps de la guitare, et toutes les zones, le bois, du métal que j'ajoute, etc., l'intégralité du manche. Donc c'était un challenge que je m'étais mis en 2009, donc de développer un solo sur la durée en ne changeant pas de mode de jeu, en variant mais avec un seul mode de jeu. Voilà. Donc c'était un petit exemple quoi, de cette technique-là. C'est un plaisir. Merci. Et oui, alors... J'ai une question qui est complètement débile. On a le droit, c'est... On a le droit. Ouais. Ça, c'est pas du tout intéressant pour le... Il n'y a pas de sens sur FMR. C'est mes questions préférées. C'est toujours mes questions préférées. Non, mais parce que tu avais mis une espèce de diapason, et du coup, j'en ai récupéré trois comme ça, de grandeurs différentes. C'est l'objet... c'est pas des diapasons pour les radiesthésistes, pour les os, non? Ça se fait plus maintenant, mais... Ça, c'est un diapason pour guitare. D'accord. Bon, mais elle est vraiment con, ma question. Ça ressemble, en fait, à cet objet-là, oui. Oui, tu vois, et bien, je t'en prêterai, si tu veux. J'en ai des comme ça, des grands, des tout petits, voilà, hein, tu vois. On est des fétichistes, hein. Bonjour, on nous dit bonjour de l'autre côté. Et du coup, oui, tu viens... ta culture aussi, parce que ça fait penser aussi un petit peu à un cymbalum, toutes ces choses-là. Ah, c'est un instrument qui s'appelle le santour. Le santour. Et le kanoun, au Liban, on appelle ça le kanoun. Ça m'a fait penser, du coup... Oui, ça vient un peu de là. D'accord. Du coup, j'enchaîne Vas-y, enchaîne. Bien sûr. Super. C'est le moment ou jamais. Est-ce que tu utilises un accord particulier sur les cordes de ta guitare? J'étais sur l'accord normal, j'étais sur l'accordage normal. Okay. Mais avec la préparation, ça modifie les fréquences. Complètement. Mais partir de l'accordage normal me permet de retrouver les mêmes fréquences. Une fois sur l'autre. Quand c'est et puis la guitare doit être réglée pour mieux résonner peut-être sur ces fréquences-là, ou au niveau des harmoniques. Non, en fait, j'ai un meilleur réglage, mais là, j'avais pas le temps de le faire. D'accord. J'ai un meilleur réglage que celui-là. D'accord. Déjà, c'est beaucoup de résonance, beaucoup de. Cette préparation, en général, toutes les préparations sur guitare travaillent sur la tension. Donc, le fait de préparer augmente la tension des cordes, te donne des cordes plus tendues, donc qui ont plus de puissance quand tu les frappes, parce que la tension est plus forte, et aussi différentes tensions sur différentes sections de la guitare, du manche, en même temps, donc bon, l'objet que tu utilises pour surtendre, disons, aussi est sonorisé, donc tu as toutes ces choses ensemble, donc ce meilleur réglage, c'est en fait de tendre encore plus les cordes qu'elles sont naturellement tendues, d'arriver presque au point de rupture de la corde. Et là, tu as vraiment des phénomènes assez impressionnants. Mais c'est un peu risqué. Là, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas casser des cordes. Mais il peut arriver que je... Mais on peut l'écouter dans ton disque. Non, dans mon disque. Alors, mon disque est enregistré au début de ce processus. Et je n'avais pas encore... je crois qu'accidentellement, si j'étais en surtension. Mais je n'étais pas encore dans cette recherche de ce point précis de la tension des cordes à l'époque. On peut l'écouter si on vient me voir en live. C'est toujours mieux. Est-ce qu'on passera un peu de musique? Oui, alors si tu veux bien, on peut passer un morceau de ce disque qui est notre tout nouveau disque qui officiellement n'est pas encore paru, mais bon, j'en ai quand même quelques exemplaires. Et si tu veux, tu peux passer la dernière pièce, qui est une chanson traditionnelle américaine qui s'appelle Gently Johnny. Donc, pour changer un petit peu d'univers, mais aussi pour montrer comment, c'est intéressant pour moi de montrer comment ce même trio qu'on a écouté au tout début, le A-Trio, peut évoluer avec une structure qui est une structure de chanson blues. Donc, et là, on voit comment tous ces sons qu'on a développés peuvent avoir une toute autre signification mis dans un tout autre contexte. Ok, donc voilà, c'est parti. Gently, Johnny, gently. gently, Johnny, my gigolo. Voilà, c'était A-Trio avec Alan Bishop, c'est ça. C'est... Je ne sais pas si tu as l'habitude de passer des morceaux comme ça dans ton émission. Non, mais je trouve c'est que c'est ça... un peu à l'écart quoi, de l'improvisation libre, mais de plus en plus, je suis convaincu que c'est essentiel de faire ce type d'expérience et d'échange. Après, c'est on a mis le morceau le plus... chansons du disque, le reste c'est quand même des improvisations expérimentales avec un élément blues parce que c'est l'univers folk de Alan Bishop, mais qui, ce qui est intéressant, qui était vraiment ouvert à donc travailler avec le même trio donc qu'on a écouté au début de l'émission. Ah moi je trouve ça très très intéressant, ça me plaît beaucoup quoi. Qui nous a entendu live une fois et pour lui c'était alors que pas du tout sa musique, c'est pas du tout un univers dans lequel il est à l'aise, mais il a vraiment eu une volonté d'essayer de développer un projet ensemble et ça a fonctionné. Moi je trouve que ça le porte, ça très bien. Il nous reste 10 minutes à peine, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une émission après nous, donc s'il y a une émission après nous, il nous reste 7 minutes. Ce que je vous propose, c'est très vite de faire l'agenda, et puis si vous souhaitez jouer tous les trois, après, on peut finir comme ça. Et tout d'abord, je te remercie vraiment beaucoup, Charif, d'être là ce matin, d'avoir accepté l'invitation hier soir, un peu de façon impromptue. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et je suis quelqu'un de matinal, donc. Très bien, moi aussi. C'était chouette. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je voudrais rappeler que tu joues ce soir dans ton duo avec Mazer. Kerbage, donc à la guitare et lui au dessin. Ce sera au Théâtre Garonne à 20h30 avec un deuxième duo qui est le trio Oi avec Jean-François Pouvros et Vincent Fortan. Mm-hmm. Pareil, à la guitare et au dessin, oui, tous les deux. Ce sera un quartet en fait. Ce sera un quartet donc. Voilà, alors ça c'est ce soir. Ensuite, ce que j'ai noté, c'est que ce soir également à la pizzeria Belfort, donc Porte de la Fontaine, Place Belfort, il y a le duo Laurent Paris avec Roland Ossard. Donc également à 20h30. Il rejoue demain à Saran. Et ensuite, j'ai noté à la Fabrique culturelle, donc à l'Université du Mirail, le 26, il y a la pièce INSE par l'Orchestre FM. Donc c'est 15 musiciens de la scène toulousaine sous la direction de Christine Vaudraska. Donc ils vont jouer cette pièce-là, INSE, qui a été composée en 64 par Thierry Riley, une pièce emblématique, hein, minimaliste, répétitif. Malheureusement, je ne pourrais pas être là, mais j'imagine que toi non plus. Voilà. Donc, moi, j'avais noté ça dans l'agenda de la quinzaine qui arrive. Est-ce que vous avez d'autres choses, Julie ? Lucie, il y a un concert lecture. J'arrive pas à te voir derrière l'écran, ça ouais, me dérange. C'est vrai qu'on est. Il y a un concert lecture dans une librairie en centre-ville de Toulouse, Hall et Beaujour, le 11 juin. Autour de mon projet solo, les poèmes ont violonné. Ouais. Voilà. Donc c'est à 19h. C'est entrée libre. Et le 12 juin, il y a le concert du Fil. C'est l'orchestre d'improvisation Fabrique d'improvisation libre. Donc ça se passe aussi à la fac au Mirail à 20h le 12 juin. Le 12. Donc c'est ça, vrai c'est que un ensemble avec une vingtaine de musiciens qui improvisent librement sans direction. Donc il y a des pièces qui sont préparés un peu à l'avance, surtout au niveau de la structure et quelques matières, mais globalement c'est quand même assez libre. Voilà, donc on travaille là-dessus. Ouais. Luc, tu avais des choses? Non. Vous voulez qu'on termine sur du live, si ça vous... Ouais. Ah bah écoute, ça sera un trio inédit, ça nous fait grand plaisir. Peut-être, si on veut acheter tes disques, Sharif, comment il faut faire? Nos disques sont tous distribués en France par Metamkin. Ok, donc sur Internet, on va trouver ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci de ta présence ce matin. Merci à toi. Voilà le temps qui se prépare tous les trois. C'était France Impro ce matin sur FMR 89.1 avec donc notre invité Sharif Chenaoui ce matin à la guitare. Et avec lui en trio, il y aura Lucie et Luc Fagouaga. Lucie, ton nom ? Lucie Laric et Luc Fagouaga, voilà, au violon respectivement et au chant. Voilà, on vous retrouve dans 15 jours, passez donc une bonne quinzaine, portez-vous bien, et voilà, on finit l'émission sur de live tout de suite. À très vite. Am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Abend, am Ab